My God, bon Dieu, j'ai lutté sous l'eau. Et yo, moi, ça, tu vois. Et yo, col, Alléluia. Alléluia. Alléluia. Amen. Ma gabo. Hallelujah.